סיפור של מדה שהכניס פועל כי אם קונפירמר את מעשה פתי את אותה למיטיה שפורטה מומנה סנטימן פרטג'י פרטו למונד אוסי Je sais depuis longtemps combien votre présence par votre dévouement, votre action, vos efforts au sein de la vie a pris de l'importance en vous liant ici maintenant à son sort. Chacun vous reconnaît qualité et mérite disponibilité, engagement constant et l'efficacité qui toujours vous habite résout bien des problèmes dans le meilleur des temps. Vous êtes ici pour tous une amitié précieuse qui défend grandement les intérêts des gens, animatrice ardente des solutions heureuses. Vous vous dressez fidèle face à tous les défis. Je vous souhaite, madame, d'être très aimable chose, que la vie vous soit douce sans chagrin et sans grain. La vie n'est pas toujours un parterre de roses, mais nous donnons souvent des instants de bonheur.